Les cadres de l'Association générale des Coréens au Japon ont publié le 9 courant les communications pour soutenir la déclaration du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui accuse la résolution de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU pour supprimer complètement la souveraineté et les droits à l'existence et au développement des Coréens. Les présidents de la direction de Nishidokyo et de la direction de la préfecture d'Osaka et de la filiale de Doshun du département d'Haïti ont souligné que si les États-Unis et les forces antagonistes ne comprennent pas bien l'état final de l'édification des forces nucléaires autodéfensives de la Corée et agissent à la légère, ils seront condamnés sévèrement par l'histoire.